Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est samedi, c'est Fred et nous sommes de retour pour notre rendez-vous hebdomadaire sur le disco et le funk. Mais à s'y parler, on va démarrer tout de suite avec la découverte du jour. Là, ça sera Carl Carlton avec son titre « She's a Bad Mama Jama ». Il voit le jour le 1er janvier 1953 à Détroit. Très jeune, il se découvre un don pour la musique et le chant. Il commence alors à chanter à l'église ainsi que dans des petits clubs. Très vite, le voisin de Carl Carlton fait signer le jeune auprès d'une maison de production locale au nom de Lando Records. Ayant opté pour Little Carl Carlton comme nom de scène, le jeune artiste joue désormais dans la cour des grands. Nous sommes à la fin des années 60 et Carl Carlton a 16 ans. À 12 ans. Très vite, il sort son premier single, I Love True Love, un petit hit local suivi de deux autres singles moins célèbres. Alors après les années 70, marqué par le hit Everlasting Love, Carl Carlton rencontre Leon Haywood, qui l'embarque pour la Californie pour faire signer chez 20th Century Records. Après plusieurs singles non fructueux, la consécration viendra en 1981 avec le tube She's a Bad Mama Jama, de l'album éponyme certifié disque d'or. Étant désormais considéré comme une véritable icône de la musique, Carl Carlton enchaînera ensuite les apparitions télévisées, les concerts, les albums. À l'heure actuelle, il est toujours actif et ça reste l'un des artistes les plus respectés du funk, du R&B et de la musique afro-américaine en général. Allez, allez, place à l'écoute! Just as fine. Jet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Voici venu le temps des 100 hits qui ont fait le disco. Don't Leave Me This Way fait partie de ces morceaux dont les reprises sont plus connues que la version originale. En 1975, ce bijou est chanté par Teddy Pendergrass. Il figure sur l'album Wake Up Everybody, mais ne sort pas en single. Ce titre a déjà tout ce qu'il faut pour devenir un hit disco. Al David, producteur à la Motown, qui vient d'obtenir un succès avec Love Hangover de Diana Ross, trouve la chanson parfaite pour donner un coup de fouet à la carrière de Thelma Houston, qui n'a rien fait de majeur depuis 1971. En incluant divers arrangements, tout en gardant la trame originale, il monte la tonalité, accélère le tempo et met en avant le groove disco et la voix. Thelma n'a plus qu'à donner de sa puissante voix gospel et s'approprier le texte. La Motown va obtenir un de ses plus grands hits. En 1977, le groupe Baccarat sort Yes Sir, I Can Boogie, un plagiat honteux du titre qui deviendra, curieusement, le single chanté par un groupe féminin le plus vendu de l'histoire. Je vous le ferai écouter en pépite, en découverte, rassurez-vous. En 1986, Jimmy Somerville sort sa version qui deviendra presque aussi populaire que celle de Thelma Houston. La chanson aura le privilège d'illustrer une campagne contre le sida. Place à l'écoute. Come on, satisfy La reprise aujourd'hui va nous conduire vers un artiste que j'apprécie, Luther Vandross. Un titre sorti en 1994 avec Ain't No Stopping Us Now. Le titre est une reprise du groupe McFadden and Whitehead, sorti en 1979. Luther la reprend de façon un peu plus feutrée. Il l'a aussi interprétée avec les Spice Girls durant l'émission An Audience With. Je vous laisse déguster. Yeah. Okay, y'all. It's time to sing our song. Refuse to be held down anymore. Don't you let me. gadgets d'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. Pour le maxi du jour, on va s'intéresser à Donna Summer et à son titre Bad Girl. La chanson est le deuxième extrait de l'album Bad Girl. C'est un titre disco aux influences pop. Alors l'inspiration, elle est venue après que l'une des assistantes de Donna a été offensée par un policier qui pensait qu'elle était une prostituée. Rien que ça. Une version grossière de la chanson est initialement écrite quelques années avant sa sortie, mais ne donne rien. Le fondateur du label Casablanca Records, Nye Bogart, souhaite alors que Donna donne la chanson à Cher pour son prochain opus de l'époque, mais Donna, elle refuse catégoriquement. On laisse la chanson encore 2 ans de côté avant qu'un ingénieur de Rush Studio ne découvre le morceau et n'aide Donna Summer à le terminer. Nye, finalement, il va accepter qu'on sorte le morceau. La chanson, elle va devenir numéro 1 aux USA. Allez, c'est parti! Talking about the sad girl. Sad girl. Sad girl. Sad girl. pépite du jour, je vais laisser Chloé vous l'annoncer. Alors, la pépite du jour, c'est pour les White Sheepers, un titre sorti en 1983, issu d'un album Love for Love, est arrivé au top 4 US. Compliqué, me diriez-vous. Et non, ce n'est pas It's a Love Thing, c'est Keep on Loving Me. Vous connaissez ? J'en doute fort. Cela sera donc la pépite du jour. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Alors je vais vous dire bonne soirée, bonne semaine, et à samedi prochain pour de nouvelles aventures. Bye bye.